Ici, monter dans un avion, c'est moins que monter à l'hôtel. Et qui fait encore attention à se changer en hirondelle. Personne ne salue son voisin, d'ailleurs, nous ne sommes plus personne. La seule chose qui vous tend la main, c'est le peu d'argent qu'on vous donne. Ainsi va le monde, mademoiselle. Essayez d'y rester, rebelle. Le plus important entre nous, c'est d'être fidèle avec vous. Ici on est bête à pleurer, c'est un tatouage indélébile. On vénère la célébrité, tous les chemins conduisent en ville. Je crois voir briller dans vos yeux un souvenir de poussière d'or. Protégez-le de mieux en mieux, mettez l'espoir au coffre-fort. Ainsi va le monde, mademoiselle. Essayez d'y rester, rebelle. Le plus important entre nous, c'est d'être fidèle avec vous. Avant la valse des pantins, laissez-moi vous jouer Sganarelle, un Goldoni en italien, les falbalas et les dentelles. Un vieux chanteur, un comédien, les artistes ne vont pas au ciel. Ça vous fait rire, je l'entends bien, la pantomime est immortelle. Ainsi va le monde, mademoiselle. Essayez d'y rester, rebelle. Le plus important entre nous, c'est d'être fidèle avec vous. C'est que vous y restiez, rebelle.